tellement froid, mon frère, parle pas de ce que j'ai hérité. Pris de panique dans le pire des paniers, où tiens la manette dans le pire des manèges. Grosse pute, te plains pas si tu perds tes dents, si tu suces, c'est mérité. Et le temps, c'est le meilleur ami de la vérité, le reste, c'est à vérité. J'suis un RBL gang dans le sud de Marseille, Rapta, à Payol, au Pinel, dans la chaussette. On barode, on est 5 dans la Grova, hardcore, la dégaine, on fait chauffer. J'réclame un de blonde pour le chauffeur, NIR dans le poste, mais le chauffage. C'est l'hiver dans la chope, on est coffré, rock pour la gratte et j'me pose pour le jobage. 11h à 11h. C'est bientôt l'heure, personne me valide, me valide. C'est bien tombé pour moi, solo dans le hood de ma peine. Mon père c'est ma canette, 2h du matin je me dirige à la ligne. Trop ghetto, les soirées sont pas nettes. Et pas avec ces bananes, fais pleuvoir les balles comme à Palerme. Prends pas mon envol, mais les ailes sont déployées. S.A.H, mon refrain Thermoroni. Bâtard, ils sont rentrés la nuit dans nos foyers. Mon nom est donné par la colonie dans le parquet. Combien de joules dans le calibre, combien de genoux dans le palais. Reconnais-moi, y'a Sahbi, Yemin, Ibn Mahdou, Ben Salhi. Ils ont du merjoun dans les narines. Hémorragie, bon débarras. Hémoglobine sur les mains de l'ami. Et mon margot dans les mains de Marma. Hein? Et mon margot dans les mains de Marma. J'traverse la nuit, les ténèbres, mon frère, reconnais-moi. Actif, j'attire les billets, billets comme un aimant. J'vois venir ta traîtrise, qu'est-ce que tu veux m'étonner?